Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Albanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en direct pour une nouvelle émission, enfin un direct différé, hein. Vous avez le sentiment que c'est en direct, mais non, ça a été enregistré un petit peu plus tôt dans la semaine, ne vous y trompez pas. Et on a toujours quand même plein de très très bonnes choses à s'écouter. Une petite palette de nouveautés, Zulu, Judiciary, Colpoclesis, Lividus, Fange, Asile Obscène, etc., etc. On va s'égrener tout ça tout au long de l'émission de ce soir. Émission que l'on commence tout de suite avec Body Farm, le groupe de death metal qui nous vient des Pays-Bas. Pour avoir vu Body Farm, tout simplement le week-end dernier, sur scène, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette scène hollandaise en termes de death metal. C'est frontal, c'est groovy, c'est ultra qualitatif, c'est old school, mais c'est pas vieillot. Hein, dans les influences, on retrouve Jungle Road, c'est Bolthrower, et puis sur scène, ça fait méchamment le taf. Et en doublette, une récente formation qui ne cesse de nous épater, de nous ravir. Hellripper, le one-man band de Black Knight Speed, qui nous vient d'Écosse, actif depuis une dizaine d'années. Troisième effort studio qui voit le jour, toujours une sortie Peaceville Records. C'est ultra efficace, hein, ça a rapproché d'un Midnight, mais c'est encore plus poussé et violent. Très très très très grand plaisir d'écouter cette nouvelle sortie studio de Hellripper. Au niveau de la musique, qu'est-ce qu'on va s'écouter tout de suite? Donc Body Farm, extrait de leur cinquième effort studio. Charlatan Messiah, extrait de l'album Ultimate Abomination. Hellripper, ensuite Poison Worm, The Curse of the Witch, extrait de l'album Warlock Grim et Withered Eggs. C'est déjà disponible pour tout ça. C'est parti pour l'émission, bienvenue à toutes et à tous, encore une fois. Doublette suivante avec une première nouveauté, Judiciary, donc le groupe de hardcore trash crossover qui nous vient du Texas. Il sort là son nouvel effort studio. Judiciary est passé par l'Europe et par la France l'été dernier. J'ai eu l'occasion de les voir sur scène. Ça défonce. Le groupe est toujours signé, c'est Close Casket, et nous sort un 10 titres pour une trentaine de minutes d'un mélange vraiment explosif. Second album studio qui vient 4 ans après le tout premier opus longue durée. Voilà, Judiciary toujours quali. Et Insomnium, là on est toujours dans la classe et le raffinement. Le groupe de Melodeath qui nous vient de Finlande, quasi un vétéran de la scène, hein, du Melodeath scandinave. 25 ans d'existence, 9e effort studio. C'est toujours aussi propre, aussi soigné, aussi efficace. Et à noter l'arrivée d'un troisième guitariste en 2019. Donc voilà, premier effort studio à 3 grattes. Et ça s'entend dans la richesse musicale déployée une fois de plus. Judiciary, le titre Engulf, extrait de l'album Flesh and Blood, Insomnium, 1696, extrait de l'album Anno 1696, déjà dispo chez Century Media, c'est parti. Strength to look inside. Mirrors shut to my face. Une doublette ensuite faussement 100% africaine, puisque nous avons tout d'abord Skinflint, formation bien installée hein, depuis 2006 du côté du Botswana. Ils viennent de sortir leur septième album studio. Voilà, leur précédente EP était sortie l'été dernier, on l'avait bien évidemment diffusée. Toujours très généreux, hein, 70 minutes de musique. Les morceaux dépassent bien souvent les 5 minutes. Au niveau du style musical, on est sur du heavy un peu old school qui tend parfois même vers le vieux hard rock et des passages beaucoup plus trash, voire même groove metal, pour que un peu moderne. Et voilà, en doublette avec ce groupe du Botswana, nous aurons Zulu, toute récente formation de hardcore punk qui nous vient de Californie, composée à 100% d'afro-américains. Ils viennent de sortir leur tout premier album studio après deux EP très très très remarqués. Un disque très éclectique, parfois déconcertant, où les Zikos viennent tout simplement proposer tout ce qui représente leur patrimoine ethnique et culturel. Ça nous donne un mélange super intéressant et hyper cohérent. Ce qu'on a donc bien évidemment du punk hardcore qui tend parfois vers la power violence. On a même des séquences hip-hop et des samples plutôt soul et reggae. Voilà, un album extrêmement riche donc pour Zulu, une sortie qui était très très attendue pour les fans du genre, et Zulu sera de passage en France d'ailleurs l'été prochain. Skinflint, Juju King, extrait d'album Eight Spell, Zulu, Where I'm From, A New Tomorrow, extrait donc de l'album de ce nom-là. Une sortie Flatspot Records, pareil, un petit label ricain à suivre de près. Et c'est parti. The serpent of fools, there is a bow. To gain some bones and flesh, you will find his hell. Troubling and falling apart beneath bloody moonlight. But you hear the shadows mocking others on his throne. Demanding massacres, repent to his name. Extracting the inferno for use of magic poison. His servants kill him now, but they don't have feet. Chop them off and shoot on the moves. A cult of leather to the slave, you see the horror. His victim's scars and mystery make up his anatomy. Betting he's a hideous, holding the stuff of wizards. Winning like lockjaw, drooling for your crush. He cast a spell, summoning them into the night to return in blood, transmuting his eyes into the stars. He saves the world all over. To him with blood, he put it all upon his head. From his pipe he smokes, inhaling souls, speaking to the dead, commanding their return. The dead ever rises, turning to him for kisses. Juju King. Whoa. Whoa. savons de quoi déchirer. C'est l'inhérente de sa défective. We need them back to the king. Behind the seven of thoughts, the West is about. So gains of bones and flesh, your mind is hell. Crumbling and falling apart, midnight flooding moonlight. From you tear the shadows, backing all the sony slow. You king, you can realign the stars. You king, you can turn death into life. You king, you can have you eager to please. You king, you can make yours his will. In the name of the king. In the name of the king. In darkness. Doublée suivante, grand écart stylistique avec tout d'abord les Écossais de Man Mazda et le groupe de Death Grindcore qui nous sort un nouvel effort studio, The Pain Behind It All. C'est toujours autant de la grosse frappe, Man Mazda, hein, c'est clairement les Misery Index venus d'Europe. Le groupe peine vraiment en termes de promo, dommage qu'ils ne se produisent pas assez sur live, enfin de manière live, pardon, parce que leurs albums sont vraiment ultra quali. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient rien sorti, hein, 10 ans, puisque le précédent album était sorti en 2013, il s'appelle, d'ailleurs il est vraiment excellent, Peace Was Never an Option. Et en doublette avec les Écossais de Man Must Die, on retrouve une formation qui nous vient d'Asie, de Chine plus précisément, un groupe 100% féminin qui nous fait du Power Speed, quatrième effort studio, techniquement ça défonce, on est vraiment dans le revival Power Speed des 90s à la sauce Blind Guardian et autres Stratovarius, on peut même citer la classe et l'élégance d'un Angra. Voilà donc les présentations pour Love Bites. Man Must Die, le titre Click 8, extrait de l'album The Pain Behind It All. Love Bites, le morceau Dissonance, extrait de l'album Judgment Day. C'est parti. You could, you would have, but you never really had the point. continue à dérouler tranquillou l'émission de ce soir avec la doublette suivante, Anteos et Sermon. Tout d'abord, Anteos, on est sur du Progressive Tech Death, pas 3ème effort studio, pas du tout 9ème effort, 3ème effort studio, une sortie Metal Blade. De base, c'est un duo, puisqu'on a un multi-instrumentiste qui, de base, vient du monde de la batterie. Il a notamment cogné du côté de Animal as Leader, et actuellement, il est chez Job for a Cowboy. Et une vocaliste, qui a un panel vocal ultra impressionnant. On est bien du growl, du scream, et des parties même clean. Coucou Travis Ryan de Kettle Decapitation dans le style. Et pour situer un peu techniquement le truc, c'est le groupe qui ouvre l'énorme tournée actuelle entre Arkspire, Psychroptic et Benighted. Voilà, histoire de situer un peu le truc. Sermon, ensuite, c'est un groupe qui nous vient de Izmir, en Turquie, qui nous propose un Doom Death gothicisant. Le groupe a vu le jour et était actif entre 97 et 2004, 3 démos, puis un split, et le groupe s'est reformé très récemment en 2021, et là ils sortent leur premier véritable album studio sur label français Bitume Prod, une recette qui renvoie vers les premiers Paradise Lost. Voilà, c'est mélancolique, c'est funéraire, et ça reste très efficace et bien inspiré. À peu près une heure de musique, et voilà, c'est globalement très très bien foutu. Voilà, les présentations sont faites à venir. Anteos, on écoute In Purgatory, extrait de l'album Tie Will Take Us All, chez Metal Blade, donc. Sermon, ensuite Flawless Entropy, extrait de l'album Till Birth Do Us Part, c'est parti. Yeah. Et la doublette suivante nous permet déjà d'entrer dans l'aspect française, avec uniquement du coup des formations qui nous viennent des quatre coins de l'Hexagone, des cinq coins de l'Hexagone. Tout d'abord, Sortilège, le vétéran du heavy français, les légendes plus ou moins vivantes, puisque du line-up d'origine, on ne retrouve plus que Christian Zouille, du coup derrière le micro, hein, puis il a encore bien la patate au niveau de sa voix. Et au niveau du line-up, par contre, ça rajeunit vachement, puisqu'on a deux ex-membres de Zoolfx, un ancien Manigance, un ancien Satan's Joker. Voilà, à voir si l'album sera gravé dans le temps, tout comme ce qui nous sortit dans les années 80. Et en doublette, un autre groupe de vétérans, Carcarias, les vétérans du Death Prog venus de Besançon, actifs depuis plus de 30 ans. Ils sortent là leur sixième effort studio. Le groupe a vraiment sa patte, hein, un Death Prog un peu mélo, un peu plus même heavy sur certaines séquences. Ça reste toujours très travaillé, aéré, extrême et accessible à la fois. Voilà, pour un résultat, et ben ma foi, fort bien chiadé pour Carcarias. Une sortie Grid Den Records, d'ailleurs, on s'écoutera le titre Black Rain, extrait de leur nouvel effort studio Afterworld. Et juste avant ça, Sortilège, le morceau Trahison, extrait de l'album Apocalypso. C'est parti!